Troisième chapitre, jouer avec les syllabes. Pour créer du rythme dans votre musique, vous allez jouer avec des formes de bouche différentes obtenues grâce à certaines syllabes. Pour l'instant, nous allons utiliser le nom de l'instrument lui-même, didgeridoo, pour cet exercice. Avec juste votre bouche, sans votre instrument. Formez la forme vibrante du mot didgeridoo. Cela sonnera sûrement très bien dès le début, mais essayez de produire un son le plus clair possible. Maintenant, essayez avec votre instrument. Vous pouvez aussi essayer chaque son séparément. Efforcez-vous de produire un son le plus clair possible. Alors, ce son ressemblera à celui d'une voix humaine. En un seul expire, regardez combien de fois vous pouvez prononcer didgeridoo dans votre instrument.